Bonjour, bonsoir, mes chers amis. Bonsoir, ici Kabulani. Bonjour. Bonne nuit, ce soir. Tout y est, ce soir. Bon ambo kanabiso. Il semblerait que volume na YouTube Olo et Zamalamte. Alors nous allons tenter un peu de écouter. Voilà. Donc, ça, c'était pour nos amis à YouTube. Merci pour la Kozalawana. Merci pour la confiance, comme toujours. Merci pour le sacrifice Nabino, Yoko Yokabiso. Et Tozali, franchement reconnaissant. Et Tozali yako le mamouke parce que on a travaillé toute la journée et Boutoupe et ont annoncé que tu travaillais toujours Natongo. Alors il faut économiser moins d'énergie. Et le temps que Bandeko Mususu Bakota, s'il y a des amis Oyo Bolingi Botage, il faut le faire maintenant. Pour Tulingi Batubara Tete, Balanda Gabisona Inbox, Prof. Olubaki nini, nazala kite. Et pourtant, vidéo les alliés na net, pokoyi kolandango même na sima. Mais il y a toujours des amis qui nous suivent. Olubaki nini, en résumé, pour nazala kite. Voilà. Les lotoyer juste na dossier toujours moko. Et il faut toujours pour na ba commentaire na biso, pour na point de vue na biso, et surtout pour na ko encadrer bande ko na biso oyo bazali penza na position fermeté to meka un peu ndenge ba pasteur balubaka ko lendi sabango pour que ba devie ngulungulute. Bon. Ba vidéo est salemi belé. Ba live est salemi belé. Ba point de vie est salemi belé. Je pense que ba tounyon so bazo landabiso so ki natali surtout na YouTube. Age ya batu balanda kabiso mingi bazali entre 40 ans, 10-60 ans. Oyo balandaka biso mingi. Alors, bandeko mususu o balandi, ezali bandeko entre 20 ans na 30 ans. Bango baye na deuxième position. Bana na biso ya moins de 19 ans. Ba video na biso soto sali yango na tchaka ya bana te. Voilà, moto oyo a enregistré na téléphone na ye ke age na ye. Azali mwana ou bien a se enregistré na YouTube ke azali mwana. Age na ye ezali na moins de 19 ans. Mwaya alanda biso ezate. A moins ke alanda biso par téléphone ou bien par compte YouTube ya ba parent na ye. Ou bien bandeko na ye o bazali mikolo. Voilà, Félix asala ki discours na ye lobby. Batu balobi discours wana batu bandai ko zelango batu nyonso ba mususu ba kemi salate ba bandai ko zela discours ya Félix aloba. Mais eloko batu bazo comprendre te si quelqu'un attend le discours de Félix, ça ne signifie pas que Félix azali important pour naye. Moi je vous dis toujours que tolinga tolinga te Félix azali ko représenter biso. Félix azali ko représenter pays na biso. Félix muta azali ko engager pays na biso. Alors, koze la discours na ye, kolanda discours na ye, ezali ko cadrer par rapport ya représentation o azali ko représenter biso. Photo surveiller est-ce que azaliko représenter biso malamu ou azaliko représenter biso mabe batu bazaliko ignorer que pays wana ndenge ezali wana les citoyens ou aliki citoyen mususu azati citoyen ou azali supérieur par rapport à citoyen mususu azati. Pays wana tozali bako propriétaire. Eza loko la lupango ya papa ou bien ya mama. Lupango ba parent. Ba parent ba kufi. Bana botikali. Eza la bukwa lupango mutu asimbi yango yaya liboso. Eza la bukwa lupango mutu asimbi yango yaya ya mibale. Ou bien leki ya suka. Lupango wana ezali ya bino nyonso bozali ba copropriétaire ego. Elingi koloba te ke lokolo simbi buka lupango yo ezali très important koleka biso nyonso. Bana musu ba simba ka buka lupango na force aleki makasi asimbi buka lupango. Bana musu ba simba buka lupango parents mouta décida ki mwana oyo ya simba. Mais ça ne signifie pas que buka lupango nezali ya yo. Même o yiba ki yango, bapesi mwana mususu yo yo yibi. Ezali ya yote, ezali ya bino nyoso. Voilà pourquoi to yaka, to surveiller Félix. Alors, moi je pense que ce qui mitu ya bandeko ezali malamu, il faut qu'on y ait que avant Félix Bappé ça y est pouvoir botikal comme on a ba congolais bazo sala ba vidéo bo été combo ya Félix Félix Félix ça doit vous interpeller boyeba pourquoi bato bazo sala ba vidéo pour na Félix c'est très facile les osengato qui même na école maternelle c'est facile de comprendre. Alors, ce que vous avez niveau à comprendre était, soit au Liakamboa, soit aux alliés mongols, soit aux alliés un handicapé intellectuel. Oh non, et commis acharnement. Yo mi colonio, soka ka Félix, et commis acharnement. Mais franchement, na yepite. Bandeko ya boye, soki bazali na diaspora, ba classe ya ofele ezali. Ba classe ya ofele ezali. Soki bozali na Congo, il semble que Félix a commis une école gratuite. Allez-y. Et kwede bino mwa mutu bongo ifungwa mamuke pour vous comprendre. On ne vient pas parler de Félix parce que Azali Félix. On vient parler de Félix parce que Félix Azali qu'on représentait Bissot. Eza la signature wana zwa ki na mouyibi. Eza la zwa ki on a voix normale. Félix nous représente. Et tozali na responsabilité, na devoir, yako yeba, akosoli ndengenin, alamuki ndengenin, atamboli wapi, asololi na nani, alobi nini, asinye nini, akei wapi, azwi nini. Tala par exemple, avana kota na muzindo. Mboka mubimba ya Uganda bazalaki na niongo na biso. Uganda bazalaki na niongo na biso 10 milliards de dollars. Niongo wana ezali te ke to defake biloko epa na bango bi ba defake biloko epa na biso. Niongo wana ezali ke ba boma bandeko na biso. Ba panza biloko na biso. Ba kota na mboka na biso. Ba panza ba boma. Bazuzi bakondana bango bafuta biso 10 milliards. Bango mokote na baninga na bango bandeko na bango ba Rwande. Telema ba Rwande bazali parti basala ka parti ya ba tribune ya jugement wana te moye ba condamner bango ezati fo kozala membre d'abord. Uganda ezali membre. C'est-à-dire que procès ya mbongo na biso na Rwanda ezali toujours. Uganda ifu bapesa biso 10 milliards. Ndeko oyo azali ko represente biso Félix. Akei na Uganda yebisi batu ya Uganda, président ya Uganda bofuta mbongo wana te. Bofuta mbongo wana, bofuta nyongo wana te. Ezali lokola nyongo ya famille, ndenge na pesa exemple ya famille. Famille ba voisin na bino ba defa mbongo e pa ba parents. Bino pe boyebi ba defa mbongo te ba yana ndako na bino ba panza biloko ba buka yena mwasi na ye bazo bunda ba longwe na ndako na bango ba ye okota na ndako na bino ba buki ba bomi l'état condamné bango bokoti na ndako ya batu bo panzi biloko ya batu bo bomi bana batu l'état condamné bango bo futa 10 milliards mwana moko alongwe na kintweki akei na bavwaza ebisi bango bo batela ngai soki balingi ko beta ngai nyongo wana bo futa lisusu te a condition ke soki bazo beta nga na famille na ngai bo kotela ngai. Voilà ce que Félix a fait avec les Ougandais. Tozali ko sepela, tozali ko lela, tozali ko reklame. Mais Congolais azo tia Congo libosoti. Congolais azo tia Congo libosoti. Diaspora, résistance, ba combattant, ba mouvement wana nyonso, ezala na kati ya mboka, ezala libanda ya mboka, ba benga ango ba mouvement sociaux. Travail ya ba mouvement sociaux ba utiliza ka ba outil nyonso o ezali disponible pour que ba faire valoir ba demande na bango, ba réclamation na bango, ba revendication na bango, support na bango ou rejection na bango. Mouvement social ezali toujours, disons les mouvements sociaux en général, ezali toujours anarchique. Na bamboka nyonso oyo ba mena mouvement. Ezali toujours anarchique. C'est-à-dire chef azalaka te. Oyo nyonso bozo yoka non ngai nazali président ya diaspora. Non ngai nazali de Gaulle ya diaspora congolaise. Ngai nazali chef ya résistance congolaise. Ngai nazali boye. Ezali toujours bato bazo se satisfaire bango moko. Na ba mouvement ya boye ezali toujours anarchique. Ezali ko la relation internationale ou ba bengi politique internationale. Politique internationale ezali anarchique. Chef azalakati. Mais maintenant, ce qui compte na relation internationale, ezali balance ya pouvoir. Exercice ya force. Na ba oyo bazali ba réaliste. Réalisme. Ba libéraux, mingi mingi, démocratie, mais au fait, na relation internationale, tendance oeza dominatrice, ezali tendance yaba oyo bazali na ngambo ya réalisme. Na ngambo ya réalisme, n'explika ki yango, bango ezali rapport de force. Bango ezali bitumba pona kozwa eloko oyo bango balingi. Toti kalana na mwamuke na diaspora avana kota. Ndenge na lobi diaspora mutu na mutako yuko komi pesa ba kalifikatif. Ngayi de Gaulle ya ba Kongole na diaspora. Ngayi president ya diaspora. Ngayi boyi. Ba mouvuma wana nyonso. Ba mouvuma sosyo nyonso. Résistance, combattant, diaspora. Tout. Même si on nommait outil na bango de travail te, bango nyonso ba utilisaka intersectionnalité. Intersectionnalité ezali outil oye ba yango te, la façon à laquelle nous travaillons. Ezali intersectionnalité ou ezali ko salisa biso pour na ko véhiculer ba message na biso. Méthode de travail, méthode ya koloba, type de revendication. Parce que au Congo, au fait, ba demande ya ba Congolais, peuple Congolais, ezali intersectionnalisé. C'est-à-dire, ezali ba revendication multiforme. Ezali ebele. Éducation. Santé. Sécurité. Économie. Recherche. Enseignement. Tout. Na ba secteur nyonso, ya vie sociale na biso, ya toujours des revendications. Alors, na mboka oyo bozali na ba revendication multiforme, on utilise toujours l'intersectionnalité pour na ko véhiculer ba demande na biso. Mais faites attention pour na kokota na résistance, pour na kokota na mouvement combattant. Il faut komi tout na yomo ko kosala o ba bengi introspection. Omiye baba valeur na yo, omiye baba faiblesse na yo, après introspection wana, oye bako décider, est-ce que na koki ou na kokite? Na kokoka ko sala mo lit oyo, ou bien na kokoka te? Na supporta kanzala, ou bien na supporta kate? Naza a soifé d'argent, ou bien naza a soifé d'argent te? Che Guevara ayaki na Congo ayokaka Laurent Désiré Kabila na mosika. Che Guevara lobi moto oyo tokoki ko partager na ye ba ide moko. Che Guevara akenda na Congo avanda na maki ya Laurent Désiré Kabila. Après avoir kozala na ye ayeko remarquer que cette personne akoki kosala mouvement ya boyete. Parce que azalaki na faiblesse. Parce que azalaki na faiblesse. Alors, oh, excusez-moi. Voilà. Alors, Che Guevara ayayi ko kite Laurent Désiré Kabila zonga ki na ye. Cela veut dire quoi? Bonjour, remarquez que ezan na batu nous observons. To sali au moins ba recherche pendant 6 ans. Oyo lelo so bayi ko komisa yo professeur d'université ezali pambate. Bah, comme ça, mon professeur d'université sur base. Il y a spécialité, na yo, il y a ba recherche, na yo. Nous avons fait 6 ans de recherche. Il y a comportement politique, il y a batou. Un jour, vous allez comprendre. Mais pourquoi sais-tu, à un moment donné, il utilise un langage, il y a ba voyou? À un moment donné, il utilise un langage yabanamike. À un moment donné, il utilise un langage yamikolo. Les lobes vont comprendre en côté. Vous allez comprendre après. La résistance au kokite koyate, kokotate. Et on observe to yebaka, to monaka. Nani aye na résistance pour na nzala. Nani aye na résistance pour na flatterie. Nani aye na résistance pour ma TV. Allo baba yo kaye, ba bengaye, ba pesaye. Avant la kota na muzindo ya Makamba Félix, il y a un gars qui m'a contacté. Allo binanga prof na landaka yo vraiment ozali patriote. Ozali patriote. Ozali vraiment moto oyo akoki kozala na résistance elongo na biso. Alors, zwa numéro ya téléphone na ngai, zwa WhatsApp na ngai, zwa email na ngai, tobanda kose communiquer. J'ai accepté. Et pourtant, na yebi ndeko oyo banda kala na yo kaka ye. Je fais semblant comme si na yebi été. À partir de ce moment, tu bandai ko solo la naye. Na koma ki pe ko landaye. Voilà l'affaire mou kou narive. Ba vidéo e bimi, nous avons vu une femme. Ba tu bache ba commentaire. Et j'ai commenté parce que mou kouna faisait partie. Ou fait partie. Yaba leader d'opinion parce qu'il y a zali pasteur. Na pesi opinion na ngai par rapport ya comportement ya mokuna. Tolanda comportement ya mokuna na libala na ye, un pasteur qui n'est pas divorcé, qui envoie sa femme na vacances, na simatikali ko bala mwasi mususu. Ce n'est pas un pasteur sérieux. Ce n'est pas un pasteur à quoi il copie cet exemple na bala na biso. Toye ko landa makamba vidéo ya sexe. Ce n'est pas un pasteur. Pasteur wana na tango azali ko tinda batu. Azali ko yebisa biso ye na Kabila rendez-vous ezalaka te. Bakuta na ka air nyonso soki alingi. Bande ko boyebi te batu boni ya église na ye pasteur mokuna memaki epa ya na ngambo Kabila. Juste parce que leader na yo ake epa Kabila, bandimi pe pa kolanda yo. Voilà ce type, son frère, tribal a commis président, alors les gars changent kazakh. A commis père, il y a résistance. Nous avons critiqué. Et je vois un gars qui semblait être à Minangaï, qui m'appelle, qui me dit, professeur, commentaire na yo sur Mukuna Longola Yango. Mukuna Zali Mwana Nanga spirituel. Boko yiko critiquer yete. Na yebishi ya bon. Awa tozali koloba Congo, tozali koloba makamba spiritualité te. Soki bozali papa spirituel na ye, ezali par rapport na bino privé, ça ne concerne pas le Congo. Ce qui concerne le Congo, ezali ke Mukuna azali leader d'opinion, ce type de comportement ezali ko dévier bana na biso. Ezali malamu te, il faut tolobela yango. On a discuté avec ces gars ici pendant au moins une heure. Et ces gars lâchent à l'obi ce qui aux allées résistent à solo kende na Congo. Okende ko bunda sur le terrain. Mais le monsieur ici, Kombo Naya, mi pesa de Gaulle, ya Congo. Ami benga kaye moko professeur Julien Tchakoudia. Ami benga ka professeur. Ndeko moko atikolo kwa mwona ombre ya université ndeko o atangi sati. Bandeko nyonso bazali na Londres. Google ezali. Totuni Google. Étudiant moko te a mwona ombre ya ndeko o yon université ata moko. Mais il s'appelle lui-même professeur. Ami pesi combat de Gaulle, mais ayebi histoire ya de Gaulle te. De Gaulle azali ki résistant. A ki maki France, a ki kovanda na Londres. Na yebi sa ki bino ke ndeko oyo azali résistant te. C'est un vrai milouvor. C'est un vrai milouvor. Na yebi sa bino, makambu na ya akoloba, je ne viens pas blaguer. Je suis congolais. Nayebi comportement ya ba congolais. Nayebi province na province ba comportement na biso. Je vous ai dit toujours d'expérience ezali ebele. Tozali bandeko, tozali batu ya mboka moko, tozali batu ya pays moko, mais touti ba province différente. Tozali na ba culture différente. Bien que tozali pays moko. Je vous ai dit à tout moment, na lobaka yango, na tchakamayi na monokote, sala attention, ce qui ozali ko sala likopa, ozali ko sala association, ozali ko sala iloko moko en commun na bandeko na biso, luba kasayen. Un jour bako baloke la yo toujours, un luba même bosali na ye association ya ndengenin bolé na ye bolali na ye botamboli na ye bosufri na ye bisengo na ye soki ndeko mususu luba koti na kati e sili a ignore yo bandeko banda na sala ki video wana bandeko belé ba ye na ba experience na bango ya solo papa ya solo ya solo. Na lobaka yango na tchaka mayi na munote, c'est la réalité. Eloko ezanga ka biso ba congolais ezali koloba ba vérité na biso. Bandeko na biso kasayen luba so sayi na ye likamp. Soki bozali bino mibale, bino misatu. Ndeko mususu moloba zali te. Ezali kitoko, bozo kende malamu. Soki kaka ndeko mususu luba ye kokota na kati. So yoki deja manseba, mchindukani, mwanetu, mwanetu. Tutu wetu. Et sili. Même na mabala. Je vous ai dit ça. Ba Congolais futo bala na biso ba barrière exacte. Mais il y a des barrières pour na bandeko na biso kasayen. bande ko la biso kasaye soki abali mwasi mosusu ya province mosusu suka suka ndeko na ko bala mwasi ya nguluba na kosi koloba yango ozali tribaliste ezali réalité ya société na biso. C'est une réalité de notre société. Naïbsa Kibino Julien Tchakoudia, c'est un aventurier, c'est un fou. Azali Liboma, en réalité, Bandeko, Bamilouvor, à Londres, il fallait ba cotiser Mbongo, ba Memandeko, Oyoa Mona Psychiatre. Julien Tchakoudia est malade. Azali maladie. On a discuté avec lui. Alobi nanga na kokani na yete. Bien bon, nanga na kokani na batinyo sote. Batu balekinga bazai. Bele. Et bele, et bele balekinga. Mais, naba o balekinga, franchement, pas Julien Tchakoudia. Pas Félix. Pas Étienne Tshisekedi. Batu loko la ba liyao. Nga na kopusa na liyao te. Batu loko la ba jelo. Nga na kopusa na jelo te. Nasa poussière ya musika deva ba jelo. Ba liyao. Le monsieur me dit, o kokai nanga ite, bango balo baka bongo, ben vidi ya meladi. Bango balo baka kabongo. Ngana yebani mukili mubimba me ngana kendaka ngana zalaka na ba réunion ya oni ya mukili parce que à part oni mukili oyo ba conférence o eleki ezate natika romona ombre ya Julien Tchakoudia te natika romona ta photo ata elili moko elilingi moko ya Julien Tchakoudia te mais na tango tozalaki malamu nalobaki je vais publier ça. Il m'a envoyé une demande na salisaye na Corée a zo mambongo na tuniye tinda demande na CV na yo mais je vous assure son atinde libino na posté demande Julien Tchakoudia tinda na CV même moi na bana na biso ya premier gradué ba osala ngoti na kamwa kime ce type parle beaucoup oyo CV na ye. Na zanango, il m'a envoyé, na ko publié ango, na email na ye, na CV. Ce n'est pas celui qui s'appelle professeur, a ko yiko sa la CV ya boye, rien du tout na kat vide, vide. A part théologie na ye a sa la soki wapi. Vide. Mais na munoko, ye a zali na agenda international. Yé batou ba décidaka. Voilà, a outi ko changer le camp makila et lobina. Yé sa ki bino ke bandeko, baka saye luba, bazali batou moukwabu. Keba, keba. Soko zali ko sala association na bango. Keba. Zile Tchakoudia, moutwa ye bisabiso awa, makambo ya famille ya Tshisekedi. Ba video ezali. Siko ya zo luka bato ba piblia ba video wana, ba efase ba video wana. Meto bomba yango. To enregistre yango na forma mususu. Azali ko luka bato ba piblia ba video o makambwa loba, ba efase. Julien Tchakoudia mutwa ya awa ye bisabiso ke mwasa Tshiseke de azali ndumba. Ye muka benga ki ye bula. Nga muna lobite se Julien Tchakoudia. Ayebi sabiso na Londres. Ndenge nini mwasi ya Félix, Denise Nyakeru, abandaye ko sala ki ndumba, ayebi sa ki biso. Et c'est Julien Tchakoudia qui a dit que tout le monde, excusez-moi, vidéo nanga na sala kapo na bana te, na bloka kote ya bana. Julien Tchakoudia nous a dit que à cette époque-là, ba Congolais nyonso, o bazalaki na Londres, o bazalaki na molima ki ndumba, ils sont sortis avec Denise Nyakeru. Ce n'est pas moi, c'est Julien Tchakoudia qui l'a dit. Ma vidéo est allée. Aujourd'hui, Makila est gangi, Kassa est gangi. Juliette Chakodia alobi akomi ko benga Félix mon fils. Lobe azalaki fils na yete. Lelo akomi mon fils. Lelo Denise Nyakeru akomi mama Denise Nyakeru. Lobi Denise Nyakeru azalaki boula. Lelo Denise Nyakeru akomi mama Denise Nyakeru. Voyez-vous les Congolais? Rationalité ezate. Rationalité ezate. Biso ba oso te bisi bino ke mutu oyo azali moko na biso te. To suki wapi lelo, wapi ba ndimi ya Juliette Chakudia. O ba yayi kwa take biso na sima na ye. Bozali wapi? Lelo Félix a komi mon fils. Denise a komi mama Denise. Mawa. Mawa. Sony. Voilà, tokende na Félix Yemoko. Mboka wana, ils se sont arrangés Kabila sali constitution na ye. Constitution wana biso to boyaki yango, to lingaki yango te. Félix ake ko sala deal na bandeko na ye, na mndeko na ye Kabila. Boyebi bakamo nyoso ba histoire na nyoso. Mwaena zongela yango ezati. Alobi azo nomé informateur, alobi makamo nyoso alobaki je l'ai dit hier. Mais na ye lelo. Pour la réplique, il y a bande konaye batu ya FCC. Il y a quand il y a Kabila, ba répliquer. Réplique batu ya quand Kabila baye nango baye avec une logique. Logique baye nango, ba lobby Félix azo mettre en cause, ba député, ba démontrer illogique ya Félix. Il met en cause les députés nationaux. Nangai pe na tchaka bango na cause. Bazala ki votete. Bazala ki nomé. Pona Kabila. C'est vrai. Mais esika mutu ya Félix ezali na mavwanga. Esika mutu ya Félix na kati bongo esangani na soupe ya mbwa. Tout mélangé. Ezali ke, comment expliquer? Ba député oyo, ezala ba nomé bango. Ezala ba nomé bango te. Ba zali ba fruit ya élection ya 2018. Élection o esalemi. Ba bile, ba caisse ya vote. Moko. Ba kotisi, o ba kene ko vote, ba tche pona ba député. Ba tche pona président. Ce qui résulta wana ezali tricherie ezali ba nomination ce qui otie en cause ba député par ricochet yo pe ozali en cause parce que yo na ba député wana bo uti na élection wana moko. Yo na ba député wana bo uti na élection wana moko. Comment expliquer au tien cause ba député que bazali ba nommé mais yo moko oyo ba bimisi ba papier elongo na ya yo na ya bango ya yo ezali malamu yo ganya ki élection bango ba ganya ki élection te bazali ba nommé. Mais non. Na ba député wana, na ba sénateur, na ba gouverneur, na yo Bino nyon so bozala ki nome na kingakati. Bozala ki nome na kingakati par nanga. Voilà pourquoi lelo oyo. Bana na biso o bazali ko tanga soki balobi a travailler sur les élections na Congo. Elema ya mutu ya ko zanga bango. Babilete de vote bureau par bureau ezake. Babilete de vote bureau par bureau fleuve Congo amela yango. Pourquoi? juste pour couvrir tricherie oyo ebinisa yo président. Omoni esika bongo na ye esangani na supu ya milu. Mwaye bimisa raisonnement logique exact. Kaka le même député lobi bango baza mabe. Kaka ba même député azo bimisa mbongo ya l'état ake ko recourir na mbongo moke o ekota ki na réserve. 600 millions de dollars. Il corrompt ba député wana chaque mois 12 000. Soki député wana azali na moi popularité ba 200 000. 250 000, 100 000, 50 000. Ba député o ba yebani mingite, 12 000 dollars na député moko. Voilà. 12 000 dollars na député moko. Mbongo wana, ezambongo Etienne Tshisekedi atike la yeta. Mbongo wana euti na kabeya ka mwangate. Mbongo wana euti na trésor public. Mbongo na yo, mbongo na ngai, mbongo na ye. Ba depite oyo bazaye ba depite ya nzala. C'est vrai. Culture politique na biso, ba politisyen na biso bazali ba korompi. Kote ba yoki makamba mbongo, ako vanda te, ako kende. Bazali ko zwaye mbongo, mais bako zonga kuna, confiance na bango bazo renouvelé pa ya Kabila. Bato Kabila ba répliquer bon, tondimi, to kabwana. Tondimi to kabwana. Alors, bato Kabila ba yebisi eloko ya liboso, biso tondimi peto kabwana. Eloko ya liboso, majorité parlementaire ozali koluka, na ba député oyo biso tonoma, na yo moko tonoma yo, alors dissoudre kasi parlement, tokene na ba élection. Élection to okende, eza élection ka ba député te. Si on met en cause le député qui ont été votés dans le même condition, dans le même environnement, na ba kesse moko, na seni moko. Cela signifie, yo moko, ozali komi tchapé en cause. Sa, parce que ozali ba froui ya nzete moko. Ozali ba froui ya nzete moko, qui s'appelle Nanga. Ce qui tient en cause, manga o eteli, o yope eteli te tient en cause. Po nyoso, mi bale e outi nan zete moko ya manga. Alors, toke nene élection kasi général. Biso to yebisaki Félix. Kokota di lo anate. Banda jura liboso, ngana repeta kango, soki boke ina page nanga ya Facebook. Le 5 février, post wane zali, le 5 février 2019. Ba proclame soi disant ba résultat ba élection na bango le 10. Ngai le 5 février, j'ai écrit, post zali, ke na moma oyondenge tozo solo laboye, Félix azali na Kabila azali ko signer deal pour ba pesa ye pouvoir. Ezali na ifasa yangote, ezali date ezali. Et par la suite to salaki ba live. Live nanga liboso na salaki na sengaki. Félix ba conseiller na ye ba enchaîner ye. Boyebi yango, première vidéo nanga, oba kongole, bele oba yeba kingate ba yayi kwe yeba ngayi. Nalobaki bwa enchaîner Félix. lelo oto suki wapi. Akabwani na kabila, soit disant. Bande komusu su bapesi ba commentaire oyo. Yo lobi krize zali. Mais pourquoi kolekisa ba Congolais tant, soit disant yo zali pona ba Congolais. Il semble que yo zali pona peuple. Mais pourquoi kolekisa tant? Olobi mobulu ezali moyen sa les actes. Obengi si consultation. O consulter batu ba pesa ma kanisi po ozwa mi beko mokano décision. Ba Congolais pe ba Congolais qui tu na biso so yo ke président muta bengi si yo. Fuko za la motema makasi, fuko za la mutu alenda lokola biso po boya ke na okende te. Congolais okende po ayebi ke soki abimi akobima na mbongo. Ba comédien ba yebi si biso. Biso okende kuna po na makamte za to kele mabongo pamba. Biso okende ki po ko bima na biso. Problème na biso za ki te ko solo la makambo na nyo so abande yebi sa biso te. Problème na biso za la ki ko bima nde. Enveloppe nde ko bima. Obengi si batu. Yo mona ike batu wana bazali, batu oyo penza na mboka na biso o ba simbi mboka, o bako iko pesa yo makanisi penza ya solo. Bana na biso ba ujana ba ye, bana na biso ba shege ba ye, ba komedie na biso ba ye. Ba ye bisi yo pe makambu. Me papa, no memba la moko informate, nommé Mbalamoko informateur. Dissoudre Mbalamoko parlement. Mais, bambo ayeko sakananabino. Alobi, ako nommé informateur. Informateur wana ko zwa temps. Po a identifier majorité. Et quand vous voyez 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Ce qui a identifié la majorité, Félix a dit que nous n'avons pas de peuple. C'est-à-dire, nous avons dit que nous avons consultation. Si nous avons dit que voyez-vous, nous avons dit que temps. Yo lobi yo moko crise, Zali. Olobi yo moko ozana pouvoir dissoudre Mbalamoko. Dissoudre Mbalamoko. Peut-être peu au lieu de nommer informateur, nommer premier ministre. C'est tout. Mais bandeko batu nyonso oya bengisaki. Tomoni bakwe bele bayaki. Ya solo penza bandeko. Mes chers amis, na bato nyo soba mona ki Félix se mutu moka alobaki makama minembo azati. Croyez-vous que bato nyo soba uta ki est ou a bengi saki? Personne n'a parlé de minembo. Na lelo décret ezati. Na lelo ata ordonnance ezati. Na bato nyo so vraiment personne n'a parlé de minembo. Na bato nyo so vraiment personne a ébissier n'a pas détourné mais en la présidence na yé. C'est-à-dire que c'est un monsieur azali ko zwabino temps, azali ko zwabino temps. Boya ko remarquer tozali awa, tozali. Félix a ozongé la bino les sous. Consultation les sous. Mutumoko alingi kabila zate. Notre problème ezali na explika ki yango Congolais il faut qu'expliquer toujours. Problème na biso ezali kaka kabila te. Tozali na benemi komé belé. Benemi komé na biso kombo nango kabila. Benemi komé na biso kombo nango corruption. Détournement, barétro-commission, salaire exorbitant, pléthorique à ma conseiller, Félix, insécurité, guerre, massacre, tuerie, éducation, santé, voilà. Benemi comme un abisso. Ennemi comme un abisso, c'est ça, Kabila. Ah, yo, bandai koloba. Kabila, yo, wana shiko bakabwani. C'est que comme une jalousie. Mais non. Na loba kayango na repetaka. Video ni ningana si na sala. Na zanga koloba ke Félix place na zali, azo mérite yangote. Il est incompétent. Incompétence pe zali, ennemi comme un abisso. Lelo oyo amilvor ba komisi moto Kabila leader na biso. Quelqu'un qui m'a appelé. Ah Kabila leader na yo. Ba komisi ye leader na biso. Il faut être malade. Il faut être malade. Ba toi FCC pandémie Bokabwana, c'est bien bon Bokabwana. Alors ba pesi ye choix apona entre balanda constitution à bango ya lokuta ou bien il n'y a me kata na penza ya solo parce que il n'y a me kata nité bakati singa mais yango il n'y a bakati te bato ya Kabila FCC ba ebisi ye choix ezali pana ye. C'est-à-dire, scénario où est le cas. Et Zalini. Moutoumoua Hollanda constitution, Moutoumoua Hollanda deal, Félix a gossala ou yoba yanke, parce que Félix a zali yanke, ou ba benga ka Britandera. Britandera. Force. Alors, à partir de force wana sikoyo, boye ba kozwa décision pour namboka, ezali kolanda bana oba bina kana 10e rue du Metete. Attention. Est-ce que Félix azali na moyen? Pour franchement peuple o azali conscient. Congolais o azali conscient. Akolanda ni Kabila ni Félix. Po bango mi bale baza mutu moko be scro ba ke ko yiba. Be scro mi bale ba yibi, ba voler mi bale ba yibi. Ba yena bite na bango oyo ba yibi. Ba bandi ko bunda po na ko kabula. Ba mbongo ana na va ba bunda po na ko kabula ba zoli ya bango mi bale. Babundi po bakabula. Etali bato mususu wapi. Parce que ezali eloko ya miyibi mibale. Alors, soki ozali mutu ya solo, ozali conscient, na miyibi oyo bango mibale, osala ndenge nini. Bango mibale kombo na bango nini, moyibi. Bango mibale, bazali bakangemi, komemba bango na prison. Parce que tozala ikoluka nani ya yibi nani ya yibi boyo kuna bitumba bitumba na nini oh bato yo bazobunda pone eloko boye eloko na yutu bayibaki oh, mais pourquoi bazobunda bazoko okabula yango te ah toluka ka muta yibaki eloko onzoka nde bango boko sala ndenge nini boko tela moko te bango mibale mukamate mais siko yo congolais na yebi ke ba politiciens na biso ba format bande ko na biso boye flatterie ba jalelo ba tamborinaire ba applaudisseur ya mokolo leki bango ya mokolo yo leki ba flatterie vraiment pouvez-vous croire quelqu'un qui se dit ya zali de Gaulle ya Congo boyo ka lokuta bande ko na biso baluba. Ngala yini na yina baluba te. Je vais vous dire. Peut-être na kola kisabino. Na chaki yango wapi. Na koyi kola kisabino. Na uti kotinde la mutu mbongo. Lobby. Mutu la sona lakisemi yo kombo. Non na post non. Kasai. na tindeli ye mbongo. Nga naza kontre ba luba te. Nazali kontre ba luba o bazali ko supporter famille ya Tshisekedi na buzoba ba milouvor. Bangonde ba milouvor. Na yifisa ki bino lobi, moutu loko la docteur mpou ilaza milouvor te. Même si Aliaka Mboa, mais aza milouvor te. Aza milouvor te. Définition à milouvor, ezali epana nga moko moutu na bilisa yango, nga moko na yemi définition na pesa yango. Moutu loko la Tshakudia. Botala kaka moutu angondenge. Botala bolu ka photo na ye na Google Tshakudia. Botala. Mais c'est quelqu'un qui est malade. C'est quelqu'un azana avani na Londres. Il a un problème. Il y a santé d'abord physique. Après, azana problème de santé mentale. Qu'est-ce qu'il dit? Batu balandi na video moka uti ko sala. Tshakudia lobi. Félix Natango azui pouvoir ayaki ko luka ye po akende ko ede ye. Tshakudi ya lobi ya bengani Félix. Asuki wanate. Tshakudi ya lobi. Angola. Ba uti kotinda vyo mobimba epai na ye. Po ba yebisa ye ke. Mwana na yo Félix. Azali ko kata inyam na Kabila. Yo yaka. O sécurisé c'est Félix. Alobi a bengana ki bangolé na 1 milliard de dollars. C'est pas moi qui le dit ezali vidéo ou tout ça la soki lobby. Soki boluki ngo bokomo nango. Bangolé ba yena 1 milliard de dollars et pas ya Tshakudia, botana muto ngo ndenga ezali. Parce que moi je connais Tshakudia comment il vit na Londres. Tshakudia vit en social. Je connais Tshakudia téléphone ya pamba, téléphone ya pamba. Oyo téléphone. Soki bongoni téléphone na ye, oa utilisaka. Oko regrette ke, même moutou avandi na fin fo ya mboka nanga azana téléphone ya bongote, avandi na Londres, De Gaulle ya Congo. Azana carnet d'adresse ya Mokili Mobimba, ba leader ya Mokili Mobimba. Bandeko oyo basala ba video, basala ba live na Tshakudia. Bako yebi sabino, difficulté ni Tshakudia zwa kapo, a communiquer, ko tchata zoom ya pamba o eza problème. Parce que téléphone a zanango yeza malunga te. Voilà quelqu'un ya boye, sobo monye nan ndenga zali. Angola ba ya ki na 1 milliard de dollars. Vraiment, bande kona biso oyo, na ebite batu oyo, ma inini ba sukula ka bango, na tango ba bota maka. Pareil, l'autre là, le petit vide, m'a dit, il y a une entreprise qui est en Europe, bénéfice nango annuel, chaque annuel, 68 millions de dollars. Vidi et Meladi, na posta qui a mon Facebook et Zali. Voilà un Tshakudia qui vient, alors il va angole, ba ya ki, ba bonde la ye, a qui t'en a congo, qui n'a pas aidé Félix, na 1 milliard de dollars. Félix a pesa ki bango, 1 milliard de dollars. Ba kene na Londres, ba zo avion spécial, ba kene na Londres, ba bonde la Tshakudia pour akende ko sali salié. Mais il y a des idiots qui les suivent. Ba tu bazo landa Tshakudia bazali. Ba tu bazo landa Tshakudia bazali. Félix atindi batu ba korompre ye, abengani bango, ye abengana akaka. Me mutu moko te avani na Londres na ndaku oyu ba pesa ye ya social. Amona Tshakudia azo bengana batu ya Félix. Amona azo bengana delegasyon angolaise ya guvernema ya Angola. Ya Lorenzo oyu. Atindi batu, delegasyon spesyal na mbongo na kati, cash. Na banke te virema te cash. 1 milliard de dollars. Baki ndeko pesa Tshakudia, Tshakudia kota na ndako azwa machete ube fimbo wa bengana bango. vraiment, mawa mingi. Bon, bazo benga ye professeur. Mususa komelinga yopo mi benga a professeur. Non, nga na mi benga a professeur ti. Nazali. Na mi benga kate, nazali. Nazali. Alors, Ce qui boye bindenga ko lukate. Oyo mususu le flatter mususu oyo ya journaliste za soki na Anvers. L'agent de la nerf. Kaka ndengo na. Alobino non non non mutu oyo ami benga kaka. Il disait ça ami benga ka professeur tika na vérifier. Mbango wapi kore vérifier. A vérifier boye béton. Ye moko aye, ye moko. So yo ki deja un kasayen ki te dit c'est vrai, azali professeur. Kasayen andi makamutute. Kasayen andi makamutute. Bozo mona ngoti. Oh non, oh professeur andengenin. Ata photo moko te to mona, ya classe. Photo ha, ba photo yangoyo. Nakata classe, nazo tangisa. Oh non, oh ba photo, ba photoshop. Video ata moko ezate. Oh azo tangisa, video yangoyo. Ezali na page nangaye. Na chepe mokote, na chepe bango mibale. Soki bolingi na chata 100 na kocha. E komi ono, eza ba conférence ezalaka bongo. Conférence ezalaka bongo, yona bana, même 20, 30, 50, yona kre na maboko. Ozo koma na tableau, conférence yaka biaka mwange ezalaka bongo. Kasaya ndi makamutute. Me so yuki en kasaya, yebisi yoke, c'est vrai. Je vérifie, ce qui est vrai est que il est professeur. C'est que Kasaye wana ke amoni béton. Mais ki professeur ya chakula Toyoka University tanisate bala Londres na uti kozwa sikoyo lelo na chango na post na ngai Facebook na uti kozwa invitation ya université Essex. Boye université wana ezali parmi ba université ya makasi. Na Londres. Na yebi bangote, na visita pe université wana te. Ngana kenda na Londres, mbala mingi na kenda na Londres na visita ka Oxford. Na kenda ka librairie na bango. Me na kenda na université Exeter. Na vandi boye na mona kaka email. On t'invite na université na biso. Na semestre ezo banda, ozwata in semaine. Na département songolo, na be étudiant, ba catégorie mi balé. Étudiant ya master, na be étudiant ya doctorat. Bango nyoso, elongo, bako landa séance na yo pendant in semaine, soko ndimi. Na tongo, obanda kozala na be étudiant, ya undergraduate, c'est-à-dire ya graduat. Ya même université. Na yebi bangote. La personne qui m'a écrit le nom de professeur, il y a département, na yebi yete. Na moni email. Sikoyo, ba découvrir ngai ndengenin. Na kindoki bien ndengenin. Boko mona nga kuna. Na répondre mbala moko, na bi oui. Ce qui COVID est permettre biso et réponse yé non COVID to yebi ke peut-être okoyi kozala na quarantaine boye boye mais to invité ba professeur moi ebélé na ngambo ya Asie to invité yo to invité na ngambo ya Amérique to invité te alobi to zoluka to invité isusu quelque professeur moko bi mibale pour Afrique et d'ailleurs na kata email soko yebi professeur moko na ngambo ya Afrique qui peut bien parler anglais, au recommandé biso. Mais pour l'Asie, tozuyo, pour l'Amérique, tozuyo, pour l'Europe, akouta ka na université na biso sex awa, na Océanie, tozuyo professeur moko na Nouvelle-Zélande. Alors tozo lukasiko tozoa un professeur en Afrique, un autre professeur na Amérique latine. Cuisinier à l'ambe la raba réfugié, vraiment, une université le kola Essex. Bazwa la peine yako lukaye, ba komelaye, yaka. Na kende kuna pona kende goliate, na kende kuna pona kende ko transmettre, oyo na zanango, na pesa. Mais, nde kona biso, luba andi makamutu te. Soki ozali membre ya famille Tshisekedi te, akondi mayo te, avant andi mayo, binana no zebola pour la famille Tshisekedi. Soko bini zebola la famille Tshisekedi bandimio. Et je me suis dit ngamoko ngabi vraiment ngai so ezala na betra maboko pour la famille Tshisekedi. Mais publicité oyo ba milvor ba kosay langa. Mais na koma terrible. Ah oui. Ya. Ce qui vraiment dans la moto ou à bête la ka Félix Maboko. Avec ce que nous faisons dans le monde. Bout la kaka niveau bande konaba ou komi sangai. Non, biso zaba to somba conscience te. Ou ko somba conscience nangate. Ou ko somba yango jamais. Naza chomer te naza moussala nangai. Souka sanze ou tiko leka. Moi l'on pata. Moi l'on meya na ba compte. Ekoti. Nako iko lia, mwa ilamba nako iko somba, nako iko lala, nako tambula. C'est ça l'essentiel. Et tozali na misala moko teke, peut-être, ah, misala nanga eza misala mabe, na ou luka mwenye na change misala te. Ba video ezali, soki botale ba wadif sabino, video, un européen ki vous dit, banani bazali mieux paye na mboka loko la kore. Atanga ki banani. Nga mna tinda ki, Ota sera ki ba video an a ébité, conférence an a ébité. Un professeur qui dit qu'il n'est pas coréen, mais qui est européen, qui dit la vidéo, mais ça là où ils allaient mieux payer dans Boka Lokola Corée, entre autres, ils allaient professeurs d'université. Na Corée, professeurs d'université, ils allaient parmi ba top yabatu. Alors, quelqu'un me dit à l'obio, non, professeur Okiti très bas, Okiti très bas, ba professeur Bazalaka. Ma professeur ya wapi bazalaka likolo ya Congo oui mais yo ko yebisa nga professeur ndenge nini ya Corée akiti boye très bas mais cela n'a no comparaison ce que j'observe c'est que professeur ndenge nini akiti très bas boye vous vous référez na ba professeur ya Congo ngaye sika na zali ba professeur ba kitaka très bas ce qui mbagino kitamboka très bas ba professeur ba kitaka très bas ba kiti très bas Bazui mboka kote zali treba, ba matisi yango tre o. Me yo na ba professeur na yo na Congo. Tala Congo. Kore batu bakomi si Kore 11e puissance du monde. Tala kaka, vraiment, je ne sais pas. Tala ba mboka o zali na monde. Mutu nyo sa zo landangai, mboka zali. Mboka loko la Kore zali 11e puissance économique du monde. 11e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mwamboka mouke, ezalo kola, bakongwe leki yango na mounene. 11e puissance économique. Ba université ya Corée, na classement ya ba top 200 universités ya monde. Webe ke chaque année, ezali na ba bureau indépendant. Ba chaka ba classement ya ba université na monde. Corée ezali na 34 universités, na ba top 200. Corée, Zaïna, 34 universités classées. Ma top université dans le monde. Congo, ils en a combien? Zéro. Ata koutou classement, yaba 5000 universités dans le monde. Congo, ata moko ezati. Alors, toi, tu vas me comparer, moi, que non, oh, ma professeur, n'a dit ni à Corée, a quitté très bas. Mais, binon, à Congo, ici, ma professeur, ma mataka très haut. Congo, ils allaient dernier pays en développement après Djibouti. Université à Congo, ta mokote zali classé na monde. Ezala ok, même na 5000 universités. O bandi banda numéro 1, ti na 5000. O komona université moko ya Congo te. Ba yebi ya ngote, yana pa. Yana pa. O kolongwa université na Congo, ba kebelo longwa université na Congo. Lobo ba yoke la yo mawa. Combien ba longwa na université Congo na diplôme à Congo, OK na ngon Europe, OK na ngon Amérique, ba ebiso ba prereki, université au penza programme oyo moyete ba prereki, il faut landela mwa ba kuru moko boye. Nana ebi angote. Ngana longwe na Corée, na diplôme ya Corée, na ke na ngon na Canada. Na tiko zo prereki ata moko te? Et il faut voir à cette époque admission na ngai. Na koti si diplôme nanga ya master ya Corée. Na koti diplôme nanga ya Congo. Oyebi ke na lettre na je peux vous poster ça. Ba komela ngai to admettre yo pona étude na yo pona diplôme na yo ya Corée. Ya Congo to admettre yango te. Et il y a des cours où on a landaki na Corée. Il y a des cours où on a landaki na Corée, na kolandango soute. Oui. Dispensé na bakuru wana parce que landaki yango amole di fort. Mais bakuru nyo sur la landaki na Congo. Mokote babare akut. Babi o kutu kotcha kutu ko lobakuta ta ko lobate. Ba Congolais bazali et belé. Ok, na mboka moko boye ba boy diplôme na yo. Alors, toi, tu vas me comparer. Parce que moi, ce que je dis, ce que je fais, c'est ce qui se passe dans mboka loko la Corée. Dans mboka Corée, ce que ma police, ma koti mboka na bozoba. Les professeurs s'impliquent. Au moment, ma professeur, ma longoli, ma chemise, ma kati bango, ma souki na balabala. Mukolo président o ba kotsa na kasho ba mars ba bandeko sale la ye monde mobimba video etambula mutu moko azwa tracteur o ba sale ya bilanga tracteur o ya mun... non ezakiri ko ya char ezala ko ya char de combat ba militaire mais ezak tracteur pona bilanga ba pine na ngonde ngwana lokola char de combat mutu wana kenda ko kota na char wana tina biro moko ezala ki pembeni ya présidence. Boye bakamoto na zanani professeur d'université na tiko mona coréen mon côté ezala côté ya présidence ezala côté opposition ba finga ye o professeur andenge nini ozwi char de combat makambo oyo ezama kamba balabala oké okota ngona bureau po panza oui professeur soki ba tu bazoba ba bizengi ba koti mboka na potopoto na libulu professeur akokota na potopoto na libulu po abimisa mboka. Voilà. Professeur au kiti très bas, au kiti très bas. Wapi siko professeur au amati très haut na Congo, au amati sa Congo. Wapi ye. Tanga kombo na ye. Congo, dernier pays de développement après Djibouti. Motaka Djibouti wana. Djibouti est le roi niza kuna. Océan. Désert. Moi, nana kenda na Djibouti na Bela. Trois jours na kenda kana Djibouti na Bela. Il n'y a rien à Djibouti. Pouvez-vous croire que Djibouti, dans le développement, dans le classement, il y a développement, dans l'index, il y a développement, il y a monde. Djibouti a quoi qu'on a ici, comme on a Congo. Mais Congo, oh, il y a un professeur à Congo, il y a très haut. Ma professeur à Congo, il y a Bakanzak. Mais il y a un Mboka. Mais moi, là où j'enseigne, sur Botali, les deux universités où j'enseigne, ba université à Nosso Mibale, zali classé na ba top université parmi ba top université à Corée. Et na ba top université à monde, ba université à Nézali. Alors, yo yebi sangai. Parce que ba université à Nekomi top. Pour nani? Pour l'enseignement. Enseignement à nani? Ba professeur. Nga na zan nani? Professeur. Alors, j'ai contribué à ça, j'ai contribué. J'ai contribué na développement. Y a éducation yamboka. Na développement yamboka, j'ai contribué. Et ngam mutan lo bangote bandeko ba vandi na Corée ba yebi sabino quand on me présente le gouvernement coréen me présente que non ce monsieur contribue na développement ya mboka na biso na développement ya éducation ya bana na biso. Alors toi tu vas venir me donner tes morales ya lemba ngaite ou ko intimider ngate. Je connais ce que je fais, je connais ce que je dis, je sais ce que je dis. Alors, professeur a quitté très bas. Alors, wapi siko ba professeur o ya likolo ya Congo kasi. Soki biso to quitté très bas. Wapi o baza likolo mboka yango yo ezo yenga yenga siko yo. Président azate. Président azate. Congolais po alia, il faut akota jeune de prière, abonde la Nzambe man ekita po alia. Congolais po atambula, il faut abonde la Nzambe. Congolais passeport ya pamba kozwa passeport. Il faut famille mobimba ba kota jeune que moi na biso il faut voyager passeport exacte jeune mobimba pour moi na zo passeport congolais azo voyager pour akende komela miliki congolais azo ke na Congo Brazzaville. Congo Brazzaville est un pays développé ba congolais bazo ke na ba Gabon pour ba kende koluka miliki ba mela miliki avanda na mboka na po mboka na ba mela miliki wapi ba professeur na bino wapi bango ba professeur na bino o baza très haut. Baza wapi? Bazali wapi? Racisme, na Etats-Unis. Bomoni ba professeur te? La première université dans le monde, Harvard University. La première université dans le monde. Na chela bino video ya professeur Wante, boyoka ko fingers, ali ko finger Trump. Mais tu dis que mon américain mokote au professeur andi ni akiti treba jamais. Musala ba professeur ezali ko tala social ezali ndenge nini. Musala ba professeur ezali ko tala social ezali ndenge nini. Professeur alandaka moto te. Professeur azalaka tribal te, professeur alandaka région te, ndeko nanga po azali mutabandu nunga ifuna kote la ye, na sabulaka mozito a, mozito azaka saye. Na panzaka gizenga a, gizenga azaka saye. Mais pourquoi vous, même si ozali intellectuel, quand il s'agit d'un kasayen, obosani ki ozali intellectuel, même na bouzoba olandi kasayen wana. Mais chez nous, c'est pas comme ça. Ngana zali mutabandundu. Mozito zali mutabandundu. Fayulu azali mutabandundu. Gizenga zali mutabandundu. Kike mulumba azali mutabandundu. Kamitatu azali mutabandundu. Kikata zali mutabandundu. Boyoka ngate, batola ndio songana yoka na nabango. Bosi boyoka Kerin Maizo akote la Fayulu, akote la Kikata, akote la Gizenga, akote la Mozito. Bosi boyoka Fabien akote la Batwana. Boyoka yuyu mutu mosi akote la Batwana. Mais yu mutu mwosi yedi grabandundu. Fabien azali muta grabandundu. Kerin azali muta grabandundu. Mais combien de fabozoka batwana nyonso, biso nyonso, on ne prend pas part ya batwabandundu, soki bazali nakati ya destruction amboka na biso. Mais pourquoi vous, avec vous les kasayen, soki mdeko nabina azali wana même azo sala mabe, bo kondane yete, bozo baluka yepa na biso batozo denonse mabe ya bandeko nabino. Pourquoi? Pourquoi? Na nyonso o eleki bozo sala feti Félix Béton a sali malam eloko moko ya kolak sabino ki boza ben conscient Félix atangeli bino discours a ebisi makamo ndenge ezoleka bino pe boyebi makamo ndenge ezoleka na kati ya makamo ya nyonso Félix atangi kabila mutu mabe nyonso a shifte yango epa kabila ye Félix a sali mabe moko te Félix banda Genève Nairobi Kinshasa, Kingakati, Jelem, Félix Asali Mabe Mokote, zero fault. Signature ya Dilwana eza fault na yete, zero fault. Ba détournement na présidence, Asali Mabe te, zero fault. Ba rétrocommission, Asali Mabe te, zero fault. Ba voyage inutile, Asali Mabe te, zero fault. Tricherie ab élection, ye Mabe eza te, zero fault. Donc, Félix Azali, franchement, kaka nzambe. Mabe nyonso, batwa kabila, mabe nyonso la muka, Fayulu. Ye Félix Azali, mabe ata mokote. Ezate. Et mes chers frères et sœurs, bino batbolandaka batu oyo. Déjà, so moni moutoya yebisio, babundi, baswani, babetani, babundi, kobundeza yo beti ya beti. Mais aye, elle a zopé sa yo rapport à l'obinga na sali mabete. Mais mouninga kuno zomo na vimbi. Moutou o aza dangere. Comment expliquer na climat politique to zan ango boye? Félix aza la faute à ta mokote. Félix a sali a ta faute mokote zate. Ba faute nyonso ezali Kabila. Ba faute nyonso ezali Fayulu. Félix se loko mokote ya mabe pa na ye. Rien. Pembe. Tache moko ezate. Alors, bozo mouna teke bandeko oyu bazali bandoki. Bandeko oyu bazali bandoki. Lukuta, bango nyoso. Je vous dis, bandeko nabiso oyu bango nyoso bazali. Sala, keba. Kuluta nyao. Soki ozali kokopere na bandeko nabiso oyu. Ah, ngala lo bakaranga verite. Pardon. Sala, keba. Na bino batu boza na bakop sikoyo. Yeba ke soki ndeko na ye moko. Mwane tuwe bandi na sima. Okolela. Kombien bazwe na batema. Po kongole ko banga. Ako yakaka na batemoneas na inbox. Ah, prof, lubaki ya solo. Nga kutu. To salaboye. Na muteba. Muteba kutu tu azabie mwana malamu. Eru wana natango kaka ngoya ye. Muteba change. Kope komi ya bango. Nana ebi makambwana te. na bisa bino makamba ndako nani aza tranquille na diaspora ndenge bovandi bozola ndangai ezala ba oba vandi kishasa okende mutation par exemple vandi kishasa okende mutation na katanga kuna peut-être ko sala 2 ans 3 ans 5 ans zo lupango la yo tikela ndeko na biso muluba mutema na yo ezala ezo babila te ah wana vozala kuta pourquoi ezali makamba ezo na société tozo mona tozo vivre yango tozo vivre ko loba siko kongolais alinga ko loba te ko banga azo banga nazo banga ba taliban ba yako beta ngai nazo banga ba ovai na ndaku na yo moko me ozo banga ba taliban nana za malade yote baza bande ko na biso to boite me baza bizaili moko ya mabe je vous ai cité les noms oh non bato a réseaux sociaux bato bandundu bayaka mekoma kerine mayizo azamu yaka yuyu mutumo azamu yaka sabe ko swanika azamu yaka na ba o mususu wana yebite bazali ebele bazaba yaka bosubo yoka bango ba kote la fayulu parce que fayulu azamu tabandundu ba kote la mozito parce que mozito azamu tabandundu bomona ki bisote ko critique kizenga tata mobimba alinga kufa bomona ki bisote Mena bino baluba nyoso eza la bandi faire semblant que non ah biso opposition boye biso Félix asali boye suka makile gangi akere pande kona ye suka makile koganga ke pande kona ye tozomona ngo chakudia talana no mdenga zali na ebite soki kuna est-ce que ba réfugié na Londres assurance maladie ezala kati mais non amener ce type ici à l'hôpital aza bien té botala kaka ndenga zali botala ndenga zali il est malade na live na ngamoko na koma le stress de réfugié papi yango oyo stress de réfugié chapitre 7 stress ya ba réfugié souffrance wana etindaka ba traumatisme et y affectaka mental donc quand je vois Junior Tchakoudia je comprends mental na yeza affecté eza pe faute na yete Boye bakaka, tata ndengwana bo mema ye na Londres, ake ndeko sala na baiji na oko kate. Ako ako tombo na bakarton te. Alors, ako sala ndengi, ake na social, fubo kabela ye, fwa ko sabino ke ye azana agenda ya mukile mobima. Azana agenda ya mukile mobima, mazo tindi langa email, na ye bisa bako reye ba edeye na mwanda mambo. Tinda CV, natalaka CV bo, azana mwanda mema represente te. Oko benga ye professeur bo, Ah, professeur, c'est que CV Lenda. Natarabu, CV à Tchakoudia. Page Mokope Kokite. Demi-page CV à Tchakoudia. Mais dans la CV, il y a 32 pages. Ah oui, Ezali. Alors, Batu Yandengwa na baza Batu Rolandate. Oh, akomate, ah, ye penza, akomate, oh, prof, andenge nim. Bozwa, bomoni, oyo na se, oyo, eza koreye bakomi, yombi. Na se awa, yombi. Edition pe, yangoyo. Bokanga foto, Luka koreyen sika azali, tuna ye. Na uta yiko zwa message moka ndego moko na inbox. Ako melinga papa yombi limbi sangai. Nazana bezo na solo anayo. Nga bite mikolo na zo banga ba miluvor. Na boyi ko solo la na patu moko. Baroye la yoka kamaka moko. Meme pese explication, question moko azo zungela. Alors, ndeko wana na yebisi ye koma awa. Makamitoso ninge yebisi sangai, fu ekrir mo frere. Kaka po, ifu ko benga kaka. Ekri. Ayo, koma na poste na Facebook. alobi nanga na yaki na kendaki na mboka Canada mutu asika tokene na programme ya otanga anglais otanga lang kuna na centre tokutani na coréenne moko coréenne wana mikolo nyonso amandai kotuna nga oza mutu api Congo oyebi monsieur Yombi prof R wana na yebaki yote a maintenant puis surtout kutani kaka na mutu na mwasi wana abandai koloba kaka oyebi Yombi oyebi Yombi me prof banda obandi ba video mwasi wana pe kure sila tokabwana na yebite soki aza wapi na yeko yeba mutu mwasi wana bando yebisa nga yeyo e bokomona qu'est-ce que c'est monsieur les congolais ma écrit coréen na yebisi yeke mutu oyo na mboka na biso tozali na respect na ye makasi asiatique bovanda na zite asiatique akende kopesa mutu mwindu africain mutu mwindu peut-être moi moke po na coréen par exemple américain ba américain noir ba bengana ka bango na ba centre ko tangisa anglais c'est rare au mon américain noir soko moni américain noir na centre au tangisa anglais c'est que il y a un américain blanc azo protéger ndeko na ya américain noir ba uti mboka moko quand même na États-Unis bazo balinga ka ba noir te mais soki ba bimili banda ba américain blanc ba protéger ka bandeko na bango ba américain noir soko moni na Corée américain noir azo tangisa c'est que il y a un américain blanc ba bengana ka bango Boka nsakaka Afrique mobimba. Afrique mobimba. Mutu moko akotangi sanglais azati. A part ba Sud-Africain. Et pas n'importe quel Sud-Africain. Le Sud-Africain blanc. Pas le Sud-Africain noir. Ngamna lobi angote yana. Bande bavana na Corée. Bavana na Corée. Ba yebi. Le Sud-Africain. Kaka pays moko. Na Afrique. Bako yiko tangi sanglais. Na Corée. Ba Sud-Africain. Esko sazarde te. Na ba suki na yo ba kangi ba brésilien wana ono na kiko tangisa. Oko tangisa to. Kaka Sud-Africain blanc. To li takapona makambu wana. Alors, imaginez-vous un noir africain congolais. Oko tanana mutu loko la korea ebi sa yo ke to respectaka mutu oyu. Mais il faut zala ndoki. Il faut zala ndoki po nyeye, il faut zala ndoki. Ndeko moko alandaka biso mingi na moni pe aux États-Unis, ayebisa ngai. Akomela ngai albi prof. Ngai ti ndengo banolo ba professeur ngana kansa bo, yebika ba kongolema kambazala kanango. Alobi na ngana ville to va aux États-Unis na keina metro kaka boy. Na yoki bango bazolo ba lokola ba chinois. Na pousse na tuni bango bazaba chinois tozaba ba chinois te couple tozaba coréen esprit na ngai yeli kombo na yo yeli ngai na tuni bango ba coréen bo yebi yombi oh prof yombi uzende kona ye ba photo e bandi ndeko wana azali azali pe na live mais je ne connais pas ces coréens na yebi bango te Ba conseiller à Félix, ba yé, na mboka Corée, ba conseiller à Félix, ba minouvor, moko moutabandundu. A pati aéroport, passeport, ba tala kakaboy, oh, Congo, Congo, oh, ok, oyebi professeur Yombi. Ba ngomi satu er ba bimi na immigration, ba silisi wana tunani, oh, me baso tutanga Yombi, wana kuna ngapi ba tuningai, wana ngapi ba tuningai Yombi. Ba kende sika ba kenda ki, invitation ba pesa ki bango. Présentation, Korea zo présenté ba conseiller ya président ya Congo. Mais avant na naptanga ba kongo na bango, mboka ya professeur Yombi. Je ne suis pas votre ami. Tindi gena yebi sakabino ezala ba itien tisekedi oyo. Ete tisekedi ya yebani po azaki na star. Pardon, azaki na étoile. Batu babota en étoile bazali oko bota moza mongol mais bota en étoile batu baroye bayo mais ce toke na côté sérieux bolobia zaki docteur na droit mais franchement moi avec Etienne Tshisekedi boy Etienne Tshisekedi na makambu ya biki pardon mwana naebi ça fait mal naebi niveau Etienne Tshisekedi akomela ki eza niveau pona biki te Et tu sais que comment qui na niveau wana pone escroquerie politique? Yango comment qui na niveau wana? Voilà point nangai. Parce que bon, le bâtiment, ah non, et tu sais que les moutons, ayebanaki nani, ayebanaki pour escroquerie, na mobutu. Yama ayebanaki. Félix pa ayebanisiko. Félix pa ayebanisiko. Croyez-vous vraiment na bamboka ou eza sérieux? Moi, avec Félix, bamboka sérieux, ou yo ba votaka batou pour na programme, ba votaka batou pour na bongo, ba votaka batou pour na expérience. Moi avec Félix, élection présidentielle. Félix Penza, moi, na mboka oba tbaza conscient, oba votaka ba komboté, oba votaka programme, oba votaka expérience, oba votaka patriotisme. Moi et Félix, élection présidentielle. Félix même 5% aux Zwango. Même 5% aux Zwango. Batoloko la ba Julien Tshakodia. Mais j'ai dit chakou d'akoza là, peut-être moukolo nanga, peut-être était mais à moukolo nanga. Moi je vous dis, Naïf Sagabino, j'ai 52 ans. Nazaline a 52 ans. Mon grand frère, Azana Bam, ce qui a Pembe Boyete, Bakamo Gabo, n'a ce qui a Pembe Banda Banda 25 ans, à partir d'Awa déjà Zalaki. Bande konanga nyonso mutaza a suki a pemba zate. J'ai 52 ans. Félix aza mkolo nangai, il y a 4 ans. Mais si on a ben gaye petit garçon, na ben gaye petit garçon en esprit. Ah oui. Mais avant, ba commissaire président, na tika ou ben gaye Félix petit garçon te. Si on a zo ben gaye petit garçon, c'est parce qu'il me représente mal. Azo représenter nga mal ma B. Mboka neza mboka nga ipi. Azo représenter nga ma B na zana droit ya koloba. Alors, si ko scénario tozo kende zali, ni constitution, ni deal, tozo kende na confrontation, na ebi sibino deja. J'ai déjà dit na bandeko, au mien, au bazali na Congo, keba, keba. Bon noté les lots, tozo qu'il y a une confrontation et vous allez voir qui va perdre. Parce que to comme il a niveau ana, et ça Félix Mutaluki, to comme il a niveau aboy. Ce qui Félix a kenda ko sala di lo la tête, to comme il a niveau aboy été. Et bon remarque on a noté, bon zela. Na tango bo mona mai ezate, kura ezate, mutu moko zo tambola te, yango bo mona ka nzoka ne ndeko oya yiko tshabiso na merde de sous saboleka. Vous allez voir ça. Mais lelo, bo sepela, na ba jè de mo o Félix a yele bino ki tenge yeso a kome liye. Félix a yego pesa ka rapor batwa yifsiye. Rapor batwa yifsiye, na kati abato na ba yifsa ki enyo so vreman moutwa yifsiye makama minembo azala kite. Bo yoke makama minembo. C'est comme si makama minembo ezali na importance penza nationalité. Et pourtant, Makaminembo est allé vraiment parmi les points les plus importants à pays. Allo, Béliango? Lelo, ce qui a Zalaka Moutoumoko, a Zali conscient, n'a bino batoubos aussi pour teye. Bon, Bokati deal. Deal est silite. Gouvernement, il y a Zalaki a deal. Wapi, ba ministre, y a Félix, on va démissionner. N'a ébite, soi, na, ça me manque cet élément-là. Est-ce que ma ministre y a IDPS va démissionner parce que deal est signé. Gouvernement est un gouvernement à deal. Il y a zone nommé informateur. Alors, bah au besoin d'un gouvernement, bah l'on voit déjà, est signé. Cop est signé. Il a coupé l'ignam, n'est-ce pas? Mais ma ministre est bazakaka. Ton moni ministre est mon gars démissionné. Parlement qu'on a ton moni député à IDPS Talobi n'a démissionné parce qu'informateur a zone dissoudre parlement. Démission Ezali, peut-être que ça me manque. J'ai raté cet épisode. Qui a démissionné dans le gouvernement? Qui a démissionné dans le Parlement, dans le Sénat? Va démissionner? Mais je ne sais pas. Mais c'est logique, président Lobby, à Ebisibino, deal à Bouo Pia. Azo nommé informateur. Informateur après, a nommé premier ministre. Premier ministre et gouvernement. Alors, il faut tout le monde assigner le gouvernement et le ministre démissionnaire. Tout le monde est parlementaire démissionnaire. Va expédier va faire courante parce que le président a coupé les deals. Va expédier va faire courante. Banda lobby à l'oba qui tire les lots. Va papier encre sili pour na lettre de démission. Qu'on présente na ilunga que nga muta IDPS, président Kati Iniam et dit les sili. Bon moni yango. C'est illogique. Qu'on a dit les sili, gouvernement ils a sauté na zone nommé informateur. Quand on nomme un informateur, c'est-à-dire le gouvernement tombe. Et bon, mon akaba pays au bazar, ma ministre, ma politicien au bazar sage. Déjà, elle annonce la présidente Pessindengwana. Déjà, bon, mon akaba démissionné, ma nikokoya. Oyo kabatra balobaka. Ah, moi j'ai démissionné de moi-même, en âme et conscience. Bah, eko longolangate pour gouvernement koya ki, j'ai démissionné. Wapi ba démission ya ba ministre ya IDPS. Wapi ba démission, il y a ba parlementaire, il y a IDPS, wapi yango. Voilà, mes chers amis. Ezala ki wana adresse na biso ya lelo. Merci mingi pona kolanda biso. Je vous ai dit que token na confrontation ba kobunda kala mingi te. Je vous ai dit bolanda kabato te bo sala keba na bande konyon so bozo sala bango ba coopération na bino ezala ya business ezala ya politique ezala ya libala soki bozo sala business na ndeko o balobi aza moluba aza bande kona biso baluba mais soki bozo sala coopération na yo sala attention dès que bandi ko mona ye nzinga nzinga na ye na ba mwana etu manseba tutu wetu keba entreprise on a peut-être yo moto bandia ki ango lobby lobby omona kombo ya entreprise komi na komba muteba lobby lobby kuna komona kombo ya entreprise komi ya kazadi awi ndekoza libala eza malamu futo balana metango bali soko yoki deja na kati ndako ba manseba ba komi koya ha ba cousine ba komi koya yebake bazo ya ko proposer ye mwanetu bazo proposer ye mwanetu lobi lobi ko yoka mutu mswazali le peu de nos frères luba oba bala basi ya ba province mususu ba garda mabala franchement ba péché nyo so bosala okay na lola ba péché nyo so bosala nzamba okipangote pona ko garder mwasi na yo ya province mususu vraiment okay na lola parce que ba histoire nyo so na yebi ya bandeko na biso ya mibali luba soki ya bali muta province mususu okoyoka kaka zali na makango ya muluba okoyoka kaka zali na deuxième bureau ya muluba na kosi soki na kosi tombola musapi voilà merci pour aujourd'hui toroya toujours comme d'habitude pour na ko lobela mboka na biso mutu moko ko empêcher biso te lobela mais boke bana bato na tra jidi chakudia. Vous avez suivi ndengeni Julien Chakoudi a voix vila kasoka zoloba titi la kasoka zoloba. Pouvez-vous croire les logis de Chakoudi a koyiko bengas Félix mon fils? Pouvez-vous croire Félix ce qu'il dit Julien Chakoudi a koyiko benga lelo Denise Nyakero, mama Denise Nyakero? Pouvez-vous croire ça? Ah. Soki ba congolais ba lobi Denise Nyakero azali azali ki na vie ya malamu te. Qui nous a dit ça? Ce n'est pas Julien Chakoudi. Julien Chakoudi a yemoka lobi na Londres, ba vanda na ye. Atuni kutu awa, atuni journaliste, mama yo vandi awa, yebi sangayi. Nani abimana mwasi wanate? Kongole nyonso vandi na Londres awa. Nani abimana mwasi wanate? Sefa Julien Chakoudi a. Lelo Denise Nyakero a komi mama Denise Nyakero. Oh non, j'ai perdu la tête. J'ai perdu la tête. Voilà. Merci pour la lelo. Biso to mona na biso musika. Problème ezate malembe malembe ka tozokende. Malembe tozokende. Toze l'informateur. Toze l'informateur, to sepela. Soki to moni lelo kabila koti na prison. Soki to moni lelo ba mende wana nyonso ba kinke wa mulumba, kinke mulumba. Ba koti a kinke mulumba koma na ngamba na. En tout cas vraiment. Kinke wa mulumba suit la politique de Kamitat Masamba. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça le cola kamita ba kinki kinki wana. Kabila désir, le comme Félix désir. Nzala. Nzala na kindoki. Merci. Bokabola vidéo, abonnez-vous. Bandeko bazana na abonnete, abonnez-vous. Et tozonga lisusu comme d'habitude ce qui les kambwezali et kambwezanga raté donc to lukaka moi temps vide tozui pause il y a 1h50 donc il y a 2h il y a moto bito ya alors pause mususu ezali to banoya comme d'habitude c'est un contrat entre bisous merci allez au revoir.